OK OK。 Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Elle aimait la vie de famille, les bambinos, elle était faite pour ça. Prends sur moi, tempéré, pas chez Neve, je l'ai fait pour toi. On sent boubou en chez Neve tous les jours, je comprends pas pourquoi. Faut dire Hamdou, pas se plaindre, ma belle, attends qu'on a un toi. Je te l'ai dit 120 fois, tu me dehors, toujours je pense qu'à toi. Je pense qu'à toi. Je pense qu'à toi. Avec un couteau suisse, j't'aurais volé la lune, ma chérie. Avec un couteau suisse, j'peux tout rapporturer la lune, elle reflète. Sur le pare-brise arrière par la tête, à la pète. On a niqué la loi, faut une peinture complète. Mais loin de l'hôtel, j'vois la plante du prophète. Elle me fait la star, elle est toute très nette. Va niquer ta mort, j'reprends ma chaînette. Tu regardes partout, comprends que chez Neuf. Où j'achète tout, je loue, j'aime bien quand t'es neuf. J'suis dans la voiture, la lune, elle reflète. Sur le pare-brise arrière par la tête, à la fête. On a niqué la loi, faut une peinture complète. De l'hôtel maintenant, j'vois la plage du prophète. Elle me fait la star, mais elle est toute très nette. Va niquer tes mons, j'reprends ma chaînette. Je regarde partout, comprends que j'ai chez neuf. Je cherche tout gelou, j'aime bien quand c'est neuf. Pourquoi tu fais ça? J'étais moi, mais j'avais pas les épaules d'assumer tout ça. Au quartier, faut les couilles ou le couze ou le kébouze. Je me rappelle dans tes bras, je retrouvais un peu de douceur. Rappelle-toi, à l'époque, je te récupérais en booster. Les euros, le petit, la maison, t'en fais pas pour ça. On a fait du bien, du mal, des heureux, on a fait du sale. J'ai fait du shopping vite fait, 500 euros dans la Médusa. J'ai fait du shopping vite fait, 500 euros dans la Médusa. On a fait du sale, on a fait du bien, on a fait du bien. On a fait du sale. Dans la voiture et la lune reflète. Sur le tarot brise arrière par la tête à la fête. On a niqué la loque, faut une peinture complète. Mais non de l'hôtel, j'vois la plage du prophète. Elle me fait la star, elle est toute très nette. Va niquer tes morts, j'reprends ma chaînette. Tu regardes partout, comprends que j'ai chez neuf. Où j'achète tout, je loue, j'aime bien quand t'es neuf. Dans la voiture, la lune elle reflète. Sur le pare-brise arrière par la tête à la fête. On a niqué la loque, faut une peinture complète. De l'hôtel maintenant, j'vois la plage du prophète. Elle me fait la star, mais elle est toute très nette. Va niquer tes mons, je reprends ma chaînette. Je regarde partout, comprends que j'ai chez neuf. Je cherche tout gelou, j'aime bien quand c'est neuf. Tu regardes partout, comprends que j'ai chez neuf. Où j'achète tout, je loue, j'aime bien quand t'es neuf. J'suis pété dans la voiture, la lune elle reflète. Sur le pare-brise arrière, pas la tête à la fête. On a niqué la loque, faut une peinture complète. De l'hôtel maintenant, j'vois la plage du prophète. Elle me fait la star, mais elle est toute très nette. Va niquer tes mons, j'reprends ma chaînette. Je regarde partout, comprends que j'ai chez neuf. Où j'achète tout, je loue, j'aime bien quand c'est neuf.